je suis en détresse. Ma vie tumultueuse me rend malade, me rend malade. Aucun geste pour que tu m'aides, aucune indulgence tu n'as eu. Tu m'as condamné sans que je comprenne, sans que je comprenne. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mon péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ne me laisse pas comme ça. Pourquoi ton cœur est si froid? Pourquoi me haïr, moi qui t'ai tant aimé? Pourquoi me laisser sans que je sache? Sans que je sache. J'ai ce mal en moi que je peux enlever. J'ai cette douleur qui me hante. À chaque fois que j'y repense, j'y pardonne-moi et fais-moi comprendre pour que je puisse mourir en paix.